Les comités préparatoires suédois et roumains pour la Journée du Soleil viennent d'être constitués. Ils ont décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles, comme conférences et séances de films, à l'éloge des exploits immortels du président Kim Il-sung. Par ailleurs, les comités préparatoires sont constitués à l'Union de la jeunesse communiste Lénine de la Fédération de Russie et à Reykjavik, Islande.